السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، ونسأله العون والتسديد، وأن يكون ما نسمعه حجة لنا ولا علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله، الحديث السادس عشر، لسازم حديث، d'après أبو هريرة رضي الله عنه، un homme a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fais-moi une recommandation, fais-moi une recommandation. Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas en colère. L'homme a répété sa demande plusieurs fois. Il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas en colère. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rapporté par Al-Bukhari. Donc le hadith que nous avons entre les mains fait aussi partie des hadiths montrant certains des nobles comportements et caractères auxquels l'islam appelle, entre autres le délaissement de la colère et de tout ce qui peut y conduire. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah nous cite dans son épître Jami' al-Ulum wal-Hikam, après avoir cité certaines variantes du hadith, dans laquelle il est cité que l'homme en question a demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam une recommandation qui réunit tout le bien. Et il lui a demandé que celle-ci soit courte, afin qu'il puisse la retenir et ne pas l'oublier. Et au messager sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre par sa parole, ne te mets pas en colère. Cela à plusieurs reprises, après que le questionneur ait répété sa question plusieurs fois. Donc à la suite de cela, il nous dit, rahimahullah, cela montre, c'est-à-dire le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam ait répété cette réponse plusieurs fois, il nous dit, cela montre que la colère réunit tout le mal, et que le fait de s'en préserver réunit tout le bien. Puis il nous dit, rahimahullah, et il se peut que l'homme qui a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit Abu Darda. Al-Imam al-Tabari a certes rapporté, d'après Abu Darda qui a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas en colère et tu as le paradis. Puis il nous cite, rahimahullah, plus loin, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, ce qu'a rapporté l'imam Malik, d'après Az-Zuhri, d'après Humayd Ibn Abdurrahman, d'après un homme parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, fais-moi une recommandation. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas en colère. L'homme a dit, j'ai réfléchi lorsque le prophète a dit ce qu'il a dit, et c'est là que j'ai trouvé que la colère réunit tout le mal. Donc la parole de ce compagnon, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait enjoint de délaisser la colère. Puis, l'imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit, dans la parole du compagnon, c'est-à-dire lorsqu'il dit qu'il a médité sur ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a vu de cela que la colère réunit tout le mal, il nous dit, rahimahullah, Dans cela, il y a ce qui vient attester de ce que nous avons cité quant au fait que la colère réunit tout le mal. Puis il nous cite, rahimahullah, certains récits de Salaf venant confirmer cela. Comme la parole de Ja'far ibn Muhammad qui a dit: la colère est la clé de tout mal. Et il a été dit à Ibn Mubarak, rahimahullah, réunis-nous le bon comportement en un mot. Il a dit, rahimahullah, délaisse la colère. Il a été dit à Ibn Mubarak, réunis-nous le bon comportement en un mot. Il a dit, rahimahullah, délaisse la colère. Puis, quant à sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, la taghdab, délaisse la colère, ne te mets pas en colère. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, nous dit, cela peut prendre deux sens. Donc la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab, ne te mets pas en colère. Le premier est qu'il est voulu par cela l'ordre d'accomplir les causes menant au bon comportement, comme la générosité, la clémence, la pudeur, l'humilité, le fait de supporter les nuisances, de pardonner, de contenir sa rage, d'avoir un visage souriant et autres que cela comme bon comportement. Car si l'âme adopte ces comportements cités, alors cela deviendra pour elle une habitude et cela la poussera à repousser la colère lorsque ses causes se présentent. Puis nous dit, rahimahullah, et quant au deuxième sens, il est que le sens de cela, donc de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab, ne te mets pas en colère, que le sens de cela est de ne pas œuvrer en fonction de ce qu'implique la colère, si cela se produit, mais plutôt que tu combattes ton âme pour délaisser et ne pas accomplir ce que la colère t'ordonne de faire. Puis il nous dit, rahimahullah, et vers ce sens est l'indication dans le Coran par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset, et lorsqu'il se met en colère, il pardonne. Et lorsqu'il se met en colère, il pardonne. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ Sourate Ash-Shura, verset 38. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit d'après l'essence du verset, ceux qui dominent leur rage pardonnent à autrui, et Allah aime les bienfaisants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité cela après avoir cité al-muttaqin, les pieux. Donc parmi leurs caractéristiques est le fait qu'ils dominent leur rage et pardonnent à autrui. Donc cela vient confirmer les propos de l'imam Ibn Rajab quant au fait que l'un des sens de ce hadith, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est que lorsque la colère se présente, lorsque ces personnes sont en colère, dominent leur rage et ne mettent pas en pratique ce que la colère leur ordonne de faire. Intaha kalam al-imam Ibn Rajab rahimahullah. Donc, le deuxième sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas en colère, est que la personne, si elle est amenée à tomber en colère, donc car cela est une chose naturelle chez la personne qu'il est dur de délaisser. Alors, si cela arrive, que la personne ne suive pas sa colère dans ce qu'elle lui ordonne d'accomplir, mais qu'elle fasse les causes et les actes menant à ce que la colère se calme, comme le fait de demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan, comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu un homme très en colère. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je connais certes une parole, si cet homme l'a dit, s'en ira de lui ce qu'il a comme colère. S'il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je demande protection à Allah contre Satan le lapidé. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et parmi ces causes, parmi les causes menant à ce que la colère se calme, le fait de changer de position. Donc s'il est assis, il se lève. Et s'il est assis, il se lève. S'il est debout, il s'assit. Ou bien s'il est assis, alors il s'allonge. Car comme le cite le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, le changement extérieur de la personne pousse à ce que son état intérieur change. Donc le fait qu'il change de place, cela va pousser à ce que la colère qu'il a dans son intérieur disparaisse ou se calme. Et si tout cela ne suffit pas, alors qu'il fasse ses ablutions ou bien qu'il quitte l'endroit où il se trouve. Et nous avons aussi parmi les bénéfices que nous tirons de ce hadith, ce qui montre un des nombreux mérites des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba, qui est ici l'engouement et l'ardeur qu'ils ont quant au fait de connaître ce qui va leur être profitable. Car ce compagnon a cité dans le hadith sa parole, fais-moi une recommandation. Donc le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient ardents et accourent au fait de connaître ce qui va leur être profitable dans la religion. Le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah nous dit, après avoir cité ce point, qui est le fait que les compagnons soient ardents et accourent quant au fait de connaître ce qui va leur être profitable, il nous dit rahimahullah. Et les compagnons, lorsqu'ils connaissent, apprennent le bien, ne se contentent pas seulement à la science, mais ils œuvrent. C'est-à-dire, ils œuvrent avec cette science. Puis il nous dit, rahimahullah, et beaucoup de gens aujourd'hui demandent à propos d'un jugement religieux, mais ils n'œuvrent pas avec celui-ci. Mais ils n'œuvrent pas avec celui-ci. Alors que les compagnons, eux, s'ils demandent le remède, ils œuvrent. Et il nous dit aussi, rahimahullah, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait que la religion de l'islam interdit les mauvais comportements. Pour preuve, sa parole sallallahu alayhi wa sallam ne te met pas en colère. Et l'interdiction des mauvais comportements implique l'ordre d'adopter les nobles comportements. Puis il nous dit, rahimahullah, donc habitue ton âme à supporter et à ne pas te mettre en colère. Et certes, il est arrivé qu'un bédouin tire sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à tel point que celui-là laisse une marque sur son cou, sallallahu alayhi wa sallam. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le regarder et de sourire. Puis il nous dit, rahimahullah, alors que si une personne était amenée à faire à une autre personne moins que cela, elle se mettra en colère contre lui. Donc, sois indulgent du mieux que tu peux pour que ton cœur se repose et que tu t'éloignes des maladies découlant de la colère, comme le diabète, la tension et ce qui y ressemble. Et c'est à Allah que nous demandons aide. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, ce hadith, de manière générale, pousse les musulmans à adopter les nobles comportements et à délaisser les mauvais comportements. Parmi ceux-là, la colère, al-ghadab, qui est comme cité, miftahu kulli shar, la clé de tout mal. Cela en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce immense, de nous réformer, de réformer nos cœurs, nos âmes, et de nous guider vers les meilleurs des comportements, car certes, ne guide vers les meilleurs comportements que lui, subhanahu wa ta'ala, et de nous éloigner des mauvais comportements. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.